إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله تعالى في محكم التنزيل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذه الآية من كتاب الله تتحدث عن الخلص من عباد الله الذين حققوا التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا واستقاموا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفه الصالح فصدقوا مع الله تعالى وأخلصوا له في توحيدهم وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا سنته حتى أتاهم الموت يقول تعالى قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله الذي خلقنا وأوجدنا وتكفل بخلقنا وخلق الموجودات وإنشائها والقائم على هدايتنا وهدايتها وإصلاحنا وإصلاحها ونظم مشيئتنا ونظم معيشتنا ومعيشتها ودبر أمرنا وأمرها قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فربنا سبحانه هو المتكفل بالخلائق هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيجادا وإمدادا ورعاية وقياما على كل نفس بما كسبت كما قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهم أفردوه بالخلق والأمر والتدبير والتقدير الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أفردوه بالعبادة فلا رب لهم سواه يعبدونه ويدعونه ويتوجهون إليه ويتوكلون عليه ويرجونه ويخافون عذابه ثم استقاموا أي استقاموا على العقيدة الصحيحة والتوحيد وهذا صراطه المستقيم كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فأعظم ما يدخل في الاستقامة لزوم العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكذلك الاستقامة على العمل الصالح فسلكوا عقيدة وعملا صالحا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا لغيره فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه إلى آخر كلامه رضي الله عنه فعليه يا عباد الله أن من لم يكن على هذه العقيدة ليس مستقيما ولو كثرت عبادته وظهر صلاحه وحسن مقاله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فالاستقامة على العقيدة والعمل الصالح من حسن الإسلام وكمال الإيمان وهي أعظم كرامة وهي الطريق الموصل لمرضات رب العالمين ولذلك قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم وقال القاضي عياض رحمه الله هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه إلى أن توفوا على ذلك فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بجميع الدين ومجامع الدين وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الاستقامة أعظم كرامة وهي تعني الحفاظ على أهم ما نملكه وأعز ما نحمله وأجل ما نفخر به ونتشرف بحمله عقيدتنا وعملنا الصالح ومنهجنا رمزنا فخرنا عزنا رائدنا إمامنا وسعادتنا عباد الله الاستقامة أعظم كرامة بها يتحقق الأمن وينجلي الخوف وتتحقق المنى بفضلها تقدم البشارة عند الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات قاطع الأسباب ومغيب الأحباب فهي مسك الختام لمن وفقه الله تعالى القائل ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فعند الاحتضار يبشر المؤمن بالأمن والسعادة المستقبلية بلقاء الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه البخاري فاتقوا الله عباد الله واستقيموا قلبا وقالبا علما وعملا منهجا وغاية وطريقة على منهج السلف الصالح جملة وتفصيلا في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك تفلحوا وتنالوا أعظم الكرامات وأعلى المقامات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد serviteurs d'Allah, craignez Allah et souvenez-vous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne dans le Coran ce qui signifie ceux qui disent notre Seigneur est Allah puis qui se mettent fermement sur la droiture. Au moment de leur mort, les anges descendent sur eux et leur disent « Ne craignez pas et ne soyez pas tristes et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis ou qui vous était promis. » Et ça, c'est un verset dans le livre d'Allah qui parle à propos des serviteurs purs d'Allah, ceux qui ont purifié leur tawhid, leur adoration pour Allah et qui ont fait en sorte que leur adoration soit exclusive à Allah et qu'ils n'ont offert à autre que Allah aucune forme d'adoration. Donc ils ont purifié leur tawhid, ils ont adoré Allah seul et tout ce qui est en dehors d'Allah, eh bien ils l'ont renié et ils l'ont rejeté. C'est-à-dire tout ce qui est adoré par les êtres humains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les créatures. Et donc, en purifiant leur tawhid et en ayant été écartés du shirk, c'est-à-dire ils n'ont rien associé avec Allah dans leur adoration, et en se mettant ferme et droit sur la religion d'Allah, sur la sunna du messager, ainsi que sur la voie et la méthodologie de nos pieux prédécesseurs parmi les salafs, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, eh bien ils ont été sincères envers Allah et ils ont suivi l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils sont restés sur cette voie et sur cette fermeté jusqu'à la mort. Alors ils ont reçu cette annonce au moment de leur mort de la part des anges. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur envoie les anges à ce moment-là pour les assurer et pour leur envoyer cette bonne nouvelle. Donc ils ont dit « Qalu Rabbuna Allah ». Et c'est comme le hadith de Ubadat ibn Samit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Dis-moi dans l'islam une parole que je ne demanderai à personne d'autre que toi. » Et lui a dit une parole très simple et très courte. « Qul amantu billahi thumma istaqim. » dis, je crois en Allah et mets-toi droit. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ceux qui ont dit Rabbuna Allah thumma istaqamu. On voit que cette parole, elle est courte, elle est vraiment simple. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se sont mis fermement sur la droiture et sur le droit chemin. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que ça implique lorsqu'on dit Rabbuna Allah? Lorsque l'un d'entre nous dit notre Seigneur est Allah, est-ce que c'est une parole qui est aussi facile et aussi simple que ça? Non. Bien entendu, ça implique beaucoup de choses. Et ça implique le fait que quelqu'un ait reconnu Allah, subhanahu wa ta'ala, comme étant son Rabb, son Créateur, son Maître, celui qui a donné à toute chose sa subsistance, qui a créé toute chose, celui qui fait vivre et qui fait mourir, et celui qui contrôle tout. Et c'est lui qui nous guide, et c'est lui qui nous donne et qui organise tout ce qu'on a besoin pour vivre. Et donc, on reconnaît que c'est lui le créateur de toutes choses et que rien de ce qui existe n'a créé quoi que ce soit. C'est Allah seul, le maître et le créateur de tout. Celui qui est au-dessus de son trône, qui a créé le jour et la nuit, qui a créé le soleil et la lune, qui a créé les étoiles et tout ce qui est créé dans l'univers et qui l'a assujetti la création pour nous. Et donc, cela implique que le serviteur doit être reconnaissant envers Allah, dans sa rububiyya, dans le fait qu'il est le Seigneur. Et de même que cela implique que le serviteur doit purifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration également. Puisque, étant donné que Allah est le seul maître et le seul créateur, eh bien, c'est en même temps le seul qui mérite notre adoration, qui mérite notre prosternation, qui mérite notre prière, qui mérite notre jeûne, qui mérite nos sacrifices et qui mérite tout ce qu'on peut faire comme adoration pour se rapprocher de lui. Puis ensuite, le verset dit, après avoir dit que notre Seigneur est Allah, ils se sont mis sur la droiture. Istaqamu. Qalu Rabbuna Allah, thumma istaqamu. Qu'est-ce que ça veut dire « istaqam » Ici, on parle d'un terme en arabe qui est « al-istiqama ». « Al-istiqama », ça veut dire le fait de chercher à être sur la voie droite. « As-sirat al-mustaqim ». « As-sirat al-mustaqim », c'est le chemin d'Allah, le chemin droit. Et c'est pour ça que dans chaque rak'a compris, dans chaque salat et dans chaque rak'a, on fait le dua qui est dans surat al-Fatiha et on dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le chemin qui est droit, le chemin de la droiture, non pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah parmi les juifs et ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire qui ont de la science et de la connaissance, mais qui ne la mettent pas en application. Et le chemin de ceux qui se sont égarés parmi les créatures, par exemple les chrétiens et tous ceux qui leur ressemblent, qui n'ont pas de science à propos d'Allah, à propos de son tawhid et à propos de sa religion, et qui par conséquent se sont égarés dans la croyance, se sont égarés dans la pratique religieuse et se sont égarés dans la vie de façon générale. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation de nous guider sur le droit chemin, le chemin du juste milieu, le chemin de la droiture, le chemin de la modération, et non pas le chemin de ceux qui ont de la science mais qui ne l'appliquent pas, et non plus le chemin de ceux qui sont ignorants et qui adorent Allah par ignorance et qui par conséquent font des innovations, font toutes sortes d'égarements et inventent des mensonges à propos d'Allah dans la croyance et par conséquent ils s'égarent à cause de ça. Et ils égarent les autres avec eux. Donc le musulman, il cherche al-istiqama, il cherche le droit chemin. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous égareront de sa voie et qui vous diviseront de sa voie. Voilà en quoi Allah vous enjoint, si vous voulez, at-taqwa, la'allakum tattaqoun, pour que vous puissiez atteindre la piété, at-taqwa, le fait de se préserver d'Allah et de se préserver de son châtiment. Donc, la plus grande aspect de ce qui rentre dans al-istiqama, c'est le fait de rester accroché à la aqidah, la croyance, le dogme authentique sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Donc chacun d'entre nous devrait revoir sa aqidah, devrait revoir sa croyance et vérifier est-ce que ma aqidah, elle est en accord avec ce qui est établi comme preuve dans les versets du Coran et dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est en contradiction avec le Coran et avec la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension des pieux prédécesseurs parmi les sahaba, il est obligatoire aux musulmans de le rejeter et de remettre en question tout ce qui contredit la révélation d'Allah dans ses convictions personnelles, dans ses opinions, dans ses goûts, dans ses objectifs, dans sa vie, dans tous les aspects de sa vie et de son existence. Se mettre sur la droiture, ça implique tout ça. Et plus encore, ça implique également de se mettre sur la droiture dans tes paroles, dans tes actions, dans tes croyances, dans ton cœur, dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta façon d'être avec Allah, dans ta façon d'être avec les autres, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, même dans ta façon d'être avec les créatures autres que les êtres humains, avec les animaux et avec toutes les choses qui existent, et de faire en sorte que toute ta vie soit en accord avec la religion d'Allah. Al-istiqama, ça implique tout ça et plus encore. Et donc, c'est un rappel pour nous de nous mettre sur la droiture. Et un hadith pour terminer, qui est un hadith très important et très touchant en même temps, dans lequel, hein, parce qu'à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que ceux sur lesquels les anges descendent au moment de leur mort, hein, et qui ont dit notre Seigneur et Allah, et qui se sont mis sur la droiture, eh bien, les anges, à ce moment-là, leur font la bonne nouvelle et leur annoncent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils n'ont pas besoin d'être tristes et d'être heureux parce qu'il y a un paradis qui les attend. Il y a une récompense éternelle, des délices éternels qui les attend parce qu'ils ont été sincères, ils ont été véridiques. Et donc, à ce moment-là, ils ont hâte de rencontrer Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a hâte de les rencontrer également. Et c'est comme cela est mentionné dans le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Tandis que celui à qui déplaît la rencontre d'Allah, eh bien Allah, ça lui déplaît de le rencontrer lui aussi. » Alors Aisha radiallahu anha a dit « Mais qui d'entre nous ne déteste pas la mort ?» Hein? À qui d'entre nous la mort ne lui déplaît pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce n'est pas ça la signification. Il dit la signification ici, c'est que le croyant, lorsque lui vient la mort, on lui annonce l'agrément d'Allah et sa générosité, son paradis. Et il n'y a donc à ce moment-là rien de plus aimé que lui, rien de plus aimé de lui que ce qui est devant lui, c'est-à-dire le paradis et la rencontre d'Allah. Alors, à ce moment-là, il aime la rencontre d'Allah et Allah aime le rencontrer. Tandis que le mécréant, le kafir, lorsque vient la mort, on lui annonce le châtiment d'Allah et sa punition. Et donc, à ce moment-là, il n'y a rien qui lui déplaît plus, justement, que ce qui est devant lui, le châtiment. Et à ce moment-là, il lui déplaît de rencontrer Allah. Et il déplaît à Allah de le rencontrer par conséquent. Et ça s'est rapporté par Al-Bukhari dans le Sahih. Et donc, c'est des hadiths pour nous faire réfléchir et pour nous rappeler qu'il y a une réalité qui nous attend, chacun d'entre nous, et c'est la mort. Et on aura tous à rencontrer notre Créateur un jour. Mais est-ce que nous serons parmi ceux qui seront heureux de rencontrer Allah? Et donc Allah sera heureux de nous rencontrer? Ou est-ce que nous ferons partie de ceux à qui il va déplaire de rencontrer Allah? Et donc Allah, il va lui déplaire de nous rencontrer. Tout cela dépend de nos œuvres et de nos actions et de notre croyance aujourd'hui. Et chacun d'entre nous, on a la capacité et la possibilité de corriger nos œuvres aujourd'hui et de se repentir à Allah si on a des fautes ou des péchés ou des erreurs. Il n'est jamais trop tard. Et la porte de la repentance d'Allah est toujours ouverte. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de nous toutes les repentances et de nous guider vers son droit chemin et de nous donner la fermeté sur sa religion jusqu'à la mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.